trois semaines difficiles pour les bonnets rouges. Je suis de retour et on va se faire une bonne émission. Thoughts to kill. The best feet were set, but a stone on top of him. Delightify the gallantry, enchantify the scene, where in my early boyhood, where Roth and I had been. But I thought I heard a murmur, and I think I heard still those old like kings of Ireland, the cry for Tara Hill. To amuse a passive fantasy, will I lay down on the ground to stop their mighty tinkers, which shall be gathered round. When we were home returning, well, we danced with bright goodwill. We could see the past return to the stone on Tara Hill. It was on the 20th invented a full affair, when Ireland's sons and daughters and friends assembled there. The young, the old, the brave, the bold, their duty to fulfill, to stop those corporate masters from killing Tara Hill. When to see my neighbors, they give a name, I say. The old ones, they went dead and gone, the young ones turning grey. But I met an old school anarchist, as bold as ever still. So I tell those fucking bastards, they call me Tara Hill. Paid a flying visit to my first and only love, as fair as any lily, as gentle as a dove. Well, she turned away, ignored me, her passion had been killed. She's now married to the monster, destroying Tara Hill. To amuse a passing fancy, will I lay down on the ground to stop their mighty tinkers, which shortly gathered round. When we were home returning, we danced the bright goodwill, to see the past return to the stone on Tara Hill. Last night as I lay dreaming of pleasant days gone by, my mind is bent on rambling to Ireland I did fly. But I stepped on board a mission, and I set my toss to kill. Subversive sea was sown, but a stone on Tara Hill. C'était Kilna Boy avec le morceau Tara Hill, issu de l'album Prison Bars and Battle Scars. Et juste avant, c'était The Pogues avec The Old Man Drag, issu de l'album Run Sodomy on the Lash. Et on va continuer avec un bloc toujours dans le même style et qui est un petit peu, comment dire, spécialement dédicacé à notre ami Camarade B qui regrette que le Celtic Punk Invasion ne passera pas du côté de Montréal et n'aura pas de date. Donc pour le consoler, on va s'écouter un morceau de Dropkick Murphys, de Blue Door Whiskey et de The Mayhons, et qui seront tous respectivement intitulés Hang Em High, issu de l'album Going Out in Style, donc des Dropkick Murphys, Your Majesty, issu de l'album No Time to Explain de Blue Door Whiskey, et The Revolution Start Now de The Mayhons. Et on va s'écouter ça maintenant dans les bonnets rouges, toujours sur C'est Fou. C'était The Meons avec le morceau The Revolution Starts Now, issu de l'album Angels and Devils. Et juste avant, c'était Your Majesty de Blue Door Whiskey et Hang 'Em High de Dropkick Murphys. C'était un bloc spécialement dédicacé à notre ami Camarade B qui arrivait en plein milieu des morceaux, tout simplement parce qu'il se plaignait que le Celtic Punk Evasion Tour ne passait pas par Montréal. D'ailleurs, je crois qu'il tente de vouloir, qu'il tente de s'exprimer, mais je vais pas allumer son micro. Attendez, je vais lui donner le droit de parole. S'il dit trop de conneries, je le recoupe tout de suite. Hein. On va pas le laisser dire n'importe quoi. Bon retour de vacances. Ouais, oui, mais ça, les vacances, malheureusement, c'est terminé, tu vois. C'était intéressant, c'était bien sympathique. Hein. Sûrement, j'imagine que t'as vu plein de shows. De shows, non. Non. Non, j'ai pas vu de shows. J'ai bu de la bière. J'ai pas eu le temps. Un petit peu, oui, un petit peu. Balader, la bière belge, la bière allemande, la bière bretonne. Que veux-tu? De la musique peut-être. Du fromage? Si tu savais. Les fromages qui ici seraient déclarés comme armes de destruction massive. Ah, oh, ben ça, ça m'étonne pas. Hein. Écoute, ici, on est pas mal qui atteint le côté fromage avec les normes. Hein. Oui, puis. C'est un peu comme pour la bière maison. Hein. Je suis pas mal sûr que. Hey, ça coûte un bras, sérieux, là, faire de la bière artisanale, si tu veux la vendre, là, c'est fou. Non, mais c'est pas pour ça que c'est pas pour rien que c'est cher, là. Tu sais? Ouais. Avec le fromage, c'est un peu la même histoire, tu sais. Sauf que là-dessus, c'est pas les taxes de l'État pour le fromage. C'est ça le pire, quand même. Ouais. T'en reviens pas. C'est un complot, ça. Non, c'est juste qu'on a qui s'en mettent plein les poches. Hein. Ouais. Écoute, c'est ça, c'est un complot. Peut-être arrêter là de parler de fromage d'ici. C'est les reptiliens encore, là. N'importe quoi. Exactement. Tu vois pas, je commence à dire n'importe quoi, là. Ouais, du coup, j'avais dit que dès qu'il disait n'importe quoi, je lui coupais son micro. Donc, je lui coupais son micro, puis je vais annoncer les deux prochains morceaux. On va s'écouter Ancien Road d'Atrocity Solution, issu de l'album. Enfin, morceau issu de l'album Lost Remedies et Zombie Apocalypse de Kill Matilda. C'était un morceau issu de l'album Punk Zombie et Rock'n'Roll. Let's rock to our world. coming on. This road is a family and our families all we know. The ones we have the closest are breathing from our shows. Welcome to our world. C'était Marabouts avec Soldat Perdu. Et c'était un morceau issu de leur album intitulé Dans la Nuit. Et juste avant, c'était écouter Montréal de Charge 69. Et c'était l'album Conflit Interne. Et je vous propose de continuer avec les Brixton Cats. Avec le titre Tchétchénie sur l'album Punk Rockers. Et ce sera suivi du morceau instrumental de Choc et le bras pourri des Clébards. Ah, je crois que notre ami camarade B veut que je lui ouvre son micro. Faut quand même qu'il sache que je risque de déborder sur son émission aussi si je fais ça. Hein. Ah, Adrien, savais-tu que Marabouts ont fait aussi un split avec Stomper 98? J'ai comme juste dû penser de même. Ouais, j'ai découvert ça pendant que tu étais parti. C'était le commentaire que j'avais à dire. Je pourrais rajouter qu'il est très bon le split. Là. C'est tout. Salut les amis, à tantôt. Après cette information générale qui semble amuser notre ami camarade B, on va partir en musique là, parce que si je parle trop, je vais pas pouvoir passer tous les morceaux que je veux. Allez, Brixton Cats. C'était les Clébards avec le morceau Le Bras Pourri qui était issu de l'album Le Genre Humain, et juste avant c'était Instrumental de Choc et Tchétchénie des Bristol Cats. Et je vais continuer directement en musique sans laisser parler Camarade B parce que je vais dépasser autrement et puis il va s'en plaindre ensuite. On va s'écouter deux morceaux très bien placés dans le climat actuel, c'est Novembre et Novembre. Copieur ! Tout d'abord d'Esclaves Salariés, c'est issu de l'album... j'ai pas écouté ton émission la semaine passée, j'avais autre chose à faire. Et puis je te dirai pas ce que je faisais à ce moment-là. Non, je dormais à cette heure-là. C'était donc du coup, c'est ça, on va s'écouter Novembre d'Esclaves Salariés et Novembre des Guérillas Poubelles. Pendant que Camarade B est en train de s'étouffer, et tant mieux. T'es vraiment copiard de mon émission de la semaine passée. C'était mon commentaire. Tu fais bien en plus. Ah ouais, puis dédie donc ça encore à Bobby Blue, hein. Non, non, mais... Ah ouais, go, musique, go, ah ouais, go, go, go. T'embarques sur embarquisme sur moi, hein. Ah ouais, go, go, go, go, hey, go, parle-moi ça. Ah, ça breton, c'est long. Ouais, c'était juste pour t'emmerder. J'ai le mort. Oh! fin du monde se fera un poil sur un buffet. Cette mise en scène trahit un sadisme surfait. Je reste une brique, jetée par la fenêtre. Je reste peut-être mon cœur qui s'arrête. Je reste une brique, jetée par la fenêtre. Qu'on décroche. En novembre je rêve une affiche qu'on amoche. En novembre je rêve une cuite un peu moins moche. En novembre je rêve une bouteille qu'on raccroche. En novembre je rêve une galant qu'on décroche. En novembre je rêve une affiche qu'on amoche. En novembre je rêve une cuite un peu moins moche. En novembre. Hey, c'était novembre et novembre. Le premier des guerriers à poubelle et puis l'autre d'esclaves salariés. Notre ami camarade B est pas content parce que je vais déborder. Ben, c'est quoi? Vous savez quoi en fait? On s'en fout, on va déborder quand même. Ouais, c'est. Je crois qu'il a essayé de faire de l'humour, mais son micro était pas allumé. Je vais donner une seconde chance d'essayer de faire rire tout le monde. Allez, ça va tomber à plat. J'ai dit demain il pleut pas, il neige. Ça y est, il a fait sa blague. Ah, ah, ah. Allez, un petit applaudissement pour l'effort. Bon, ok, je me moque de lui, je suis pas fin, moi aussi je dis beaucoup de conneries. Mais du coup, c'est à mon tour d'aller me taire, parce qu'on va s'écouter un dernier morceau que je vais présenter. Puis je vais vous dire à la semaine prochaine ensuite. Mais ce morceau-là, c'est une reprise de Tu la Vioc par les Tagada Jones, ce qui nous quepond. Et là, il est content d'ailleurs, là, ça y est, il approuve ce message. Et c'est ça, et puis aussi, on salue quand même leur 100e date qu'ils ont fait au Québec, là, c'est quoi ? Avant-hier, ouais, c'est ça. Enfin. Bah, moi aussi, la mercredi, c'est un petit peu dur pour moi, là. Mais comment dire ? Bah, c'est ça, on va s'écouter ça, puis on se dit à la semaine prochaine. Allez, tchuss. We'll be right back.